est presque né dans le même panier d'une des 12 tribus de Nord-Africains rapatriés. Pendant que nos vieux priaient en hébreu arabisé, nous on perfectionnait au con le marseillais. Dès 9 ans nous avons signé aux jeunesses socialistes de la communauté, un peu parce qu'on préférait leurs athées en pantalon à nos croyants en jupons. Dix belles années de militants dragueurs impossibles à séparer, même un peu trop zélés à tout partager, au-delà des besoins par nos guides recommandés. Puis vint le temps de s'exiler d'une armée encore trop. Au loin nous avons embrassé une ancienne nouvelle terre qui voulait qu'on lui foute la paix. Jeunes idéaux sont tombés à l'eau sitôt que le fric nous a rendus plus pathétiques, des goûts et des couleurs devenus durs à marier, tels de l'art déco et de l'Ikea stratifié. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, et le seul qui est tenu presque le coup a cessé de naviguer quand la fin de mon prochain un jour m'a convoité. Bye.